franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénon. Rarement a-t-on observé une telle entreprise de dissimulation. Je veux parler de la campagne française d'essai nucléaire qui a été conduite pendant une trentaine d'années en Polynésie française, 46 tirs atmosphériques entre 1966 et 1974, puis 147 tirs souterrains jusqu'en 1996. Dissimulation, oui, car il a fallu manipuler et tromper les élus locaux pour obtenir leur accord. Dissimulation encore, car les militaires et les populations ont toujours été tenus dans l'ignorance des dangers de contamination qu'on leur faisait courir. Mieux, on a sciemment menti lorsque les premiers signes de maladie par irradiation sont apparus. Dissimulation enfin, car il a fallu attendre 2006 pour que l'État commence à reconnaître les conséquences néfastes de ses essais sur la santé des Polynésiens et des soldats et civils qui ont participé à ces expérimentations nucléaires. La semaine passée, M. X nous a raconté comment Paris, pour arriver à ses fins, a ourdi une véritable machination pour mettre hors jeu et même emprisonner un leader autonomiste polynésien, Puana, qui aurait pu s'opposer à la campagne de tir dans les territoires français du Pacifique. Il revient aujourd'hui sur cette accumulation de mensonges et de tromperies qui ont accompagné ces expérimentations. Mon président, je sais que tu le sais, mais je te le redis, comme ça c'est fait. On peut se parler. Il faut à peu près 50 ans pour bien refroidir complètement. Un réacteur de taille moyenne d'une bonne centrale, genre comme les tiennes. Enfin, les nôtres, quoi. Si on stoppait le nucléaire. Si je te dis ça, ce n'est pas pour faire mon aigri ou des discours. Scientifique ni pointu jamais, car même toi tu t'endormirais. Je te propose un truc facile et après je te laisse tranquille. Je sais que c'est dur mais tu peux le faire. Veux-tu stopper le nucléaire? Par deux, trois ténues dangereux et cinq ou six mecs ennuyeux. Beaucoup qui pensent déjà comme toi se réveilleront et te diront: l'électricité va manquer, là c'est à toi de répliquer. Alors là tu sors ton joker, tu vas dire vraiment tout ce que t'as. Les éoliennes justement, ça fait du courant gratuitement. Pas de soucis, pas de calcaire, abandonnons le nucléaire, fermons les centrales pour de bon, pour nos enfants, c'était pas bon, et perdons une fois pour toutes la course à l'armement, et toute la terre nous criera victoire, on entrera dans l'histoire, à nous la gloire. Peace and love, mon président. Rendez-vous avec X. Pour commencer, je voudrais vous parler d'un voyage que le général de Gaulle a effectué en Polynésie, en 1956. Et donc à une époque où il n'en a pas encore terminé avec sa traversée du désert, hein, comme on a appelé cette période de sa vie politique où il n'était pas au pouvoir. C'est ça. Et on n'envisageait même pas son prochain retour aux affaires. Ce qu'il obtiendra en 1958 en se servant très habilement des événements d'Algérie. En 1956 donc, le général prononce un discours à Papé Été, un discours prémonitoire. Expliquez là. À l'époque, il faut le rappeler, la bombe atomique française n'existe pas. Oui, mais il a été décidé de la construire. Bon, alors disons qu'elle est en gestation, mais on ne sait pas que pour l'expérimenter, eh ben, il faudra édifier des sites de tir au Sahara. Des sites qui seront ensuite abandonnés quand l'Algérie deviendra indépendante. Or, voici ce que le général de Gaulle dit en substance en 1956, évoquant les traits nouveaux que notre monde est en train de prendre et de la place que la Polynésie française doit y tenir, il cite l'énergie atomique qui apporte à tous les hommes à la fois d'immenses possibilités de progrès et de terribles menaces. Ouais, jusqu'ici, rien de bien surprenant. Hein. Ouais, mais c'est la suite qui est intéressante. Je cite à peu près. Tahiti, lointaine, isolée au milieu des mers, voit s'ouvrir un rôle important, un rôle nouveau sur le globe terrestre. Tahiti, qui peut être un refuge et un centre d'action pour la civilisation tout entière, c'est un destin nouveau qui lui est ouvert. Et Tahiti y marchera avec la France. Ah ben vous dites bien le De Gaulle dans la langue qu'il faut. Hein. Et vous croyez qu'à ce moment-là, là, De Gaulle pense aux futures expérimentations nucléaires ? Bah écoutez, en toute logique, on peut se le demander. En tout cas, pour ma part, je trouve ça troublant. Mais quand envisage-t-on réellement de faire de la Polynésie un site de tir nucléaire ? En janvier 1957, le général Ayrey est chargé de choisir les sites des futures expérimentations nucléaires. Il ne retient que deux endroits possibles, le Sahara et Tuamotu, un archipel polynésien de quelques dizaines d'atolls. Mais problème pour ce deuxième choix, il n'existe pas d'aéroport. Toutefois, quelques mois plus tard, on débloque des crédits pour la construction de l'aéroport de Tahiti Faa, un projet qui traînait depuis plusieurs années. Ce qui crédibilise l'option polynésienne. En effet, la construction commencera en 1959. Il faut d'ailleurs observer que c'est bien la seule réalisation d'importance que la France entreprend là-bas. Oui. Un signe. Pourquoi pas. Autre signe. Ce que je vous ai raconté la semaine dernière, c'est-à-dire la hâte avec laquelle on décide de neutraliser Puvanaha, qui en tant que chef du gouvernement polynésien, aurait été certainement un opposant résolu aux ambitions françaises. Donc, dès 1958, là, il y avait Anguille sous roche. Bah, ça me semble évident. Notons aussi qu'on procède en même temps à quelques travaux d'aménagement portuaire à Papeete. Afin d'accueillir les personnels et les matériels destinés au futur centre d'expérimentation. Bien sûr. En attendant, on tire la première bombe française au Sahara. En 1960, oui. Mais très vite, le pouvoir et les militaires se rendent compte que l'indépendance algérienne étant inéluctable, il devenait de plus en plus urgent de trouver un site de substitution. En mai 1961, le général Thiry, qui a succédé à Ayrey, développe les avantages présentés par quelques possessions françaises d'outre-mer, Kerguelen, Nouvelle-Calédonie, Marquise et Réunion. Le choix est encore très large. Là. Mais certaines options sont rapidement éliminées. La Réunion, très peuplée, ou la Nouvelle-Calédonie, trop proche de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Ouais, où les protestations seraient virulentes. Hein. Ouais, d'autant que l'Australie a déjà connu des expérimentations nucléaires britanniques. Aussi, selon ce général, la Polynésie offrirait peut-être le moins de prise à des campagnes hostiles ou à l'émotion mondiale. Ça veut dire en tout cas qu'on a conscience des difficultés engendrées par le projet. Hein. Quoi qu'il en soit, puisque le général de Gaulle veut absolument que la France soit dotée d'une force de frappe pour fonder son indépendance et asseoir notre pays à la table des grands, il faut décider. Déjà. En septembre 1961, au cours d'un conseil restreint réuni à Matignon, Messmer, ministre des Armées, montre sa préférence pour la Polynésie. Et c'est confirmé en décembre. Reste à déterminer exactement où. Et comment va-t-on procéder, là ? On envoie là-bas une mission de prospection des sites dans toutes les possessions françaises du Pacifique. Dans ce but, un avion Constellation a été spécialement équipé pour l'observation et les prises de vue verticales. Et trois semaines plus tard, la décision est prise. Ce sera Moruroa, dans les Tuamotu. Et pourquoi alors ? C'est un atoll pourvu d'une passe franchissable par des navires de tonnage important. À noter que Moruroa, en langue locale, veut dire le grand secret. Ah ben c'est sans doute ça, la prédestination. Hein. Paris a donc choisi, mais maintenant il faut faire avec les autochtones. Et surtout convaincre les élus. En avril 1962, on envoie sur place un expert chargé d'expliquer, de rassurer. Ça, c'est la version officielle. Car en réalité, il s'agit surtout de faire de la désinformation scientifique. Désinformation ? Et qui est chargé de cette sale besogne ? Un professeur, Henri Jamais, chef du département de protection sanitaire du CEA, le commissariat à l'énergie atomique. Il commence par une conférence à Papeete, où il démontre l'innocuité des expériences nucléaires. Dans la foulée, il annonce que le CEA va quadriller la Polynésie de stations d'observation aux frais de l'État. Quand intervient alors l'annonce officielle de l'installation du CEP, le Centre d'expérimentation du Pacifique ? Fin juillet 1962, soit quelques semaines après la fin de la guerre d'Algérie. Mais les dés sont biaisés dès le début, car la création d'une base arrière du CEP dans l'archipel des Toamoutouk-Ambiers est présentée à la population locale comme un centre européen d'essais de fusées. Et pas comme un site d'expérimentation nucléaire. Oui, parallèlement, l'opération de séduction des élus continue. Et c'est De Gaulle, lui-même, qui est aux manettes. En janvier 1963, il reçoit à l'Élysée une délégation de membres de l'Assemblée territoriale, leur annonçant qu'une base expérimentale sera créée sur leur territoire. Il affirme qu'il veut ainsi récompenser la Polynésie qui s'est ralliée très vite à la France libre en 1940. Et en somme, c'est un cadeau qu'il leur fait. Ben, c'est ce qu'il laisse clairement entendre. Ensuite, toujours pour emporter l'adhésion des élus, en juillet 1963, une délégation de l'Assemblée territoriale visite le centre d'expérimentation militaire des Oasis au Sahara. Mais bien sûr, on omet soigneusement d'évoquer devant ces élus tahitiens le grave accident de tir dans la montagne d'In Eker. Ouais, au cours duquel il y a eu un important dégagement de substances radioactives qui a longtemps été tenu secret. En mai 1962, oui. Je vais revenir sur la façon dont les autorités françaises se sont débrouillées pour circonscrire l'hostilité des élus qui ne se sont pas laissés séduire. Mais Paris devait aussi résoudre un problème juridique, la question foncière. C'est-à-dire l'utilisation du terrain à des fins militaires. Et cela, c'était de la compétence du territoire et non pas de l'État français. Il fallait donc obtenir l'accord des élus. Et Paris finira par l'obtenir en passant en force. Enfin, je vous raconte ça tout de suite. Mais preuve que Paris n'accordait pas au fond une grande importance à la vie des élus polynésiens, on n'a pas attendu d'obtenir cet acquiescement pour commencer les travaux. Dès le début 1963, les premiers légionnaires ont débarqué à Mururoa. Puis en mai 1963, le premier détachement du génie a pris les choses en main sur l'atoll de Mururoa, mais aussi sur un autre îlot, Fangatofa. Alors ce passage en force, hein ? Ben, il faut d'abord savoir que l'économie tahitienne était très fragile et connaissait même un déficit permanent de sa balance commerciale, notamment à cause de l'épuisement de sa principale ressource, le phosphate. Quant à la nacre, elle était de plus en plus concurrencée par les produits synthétiques. Et les cours mondiaux de la vanille et du copra s'étaient écroulés. Oui, j'ai compris, le territoire avait besoin de l'assistance financière de la métropole. Et c'était un formidable moyen de pression pour Paris. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait aussi venir à bout des réticences et de la méfiance des dirigeants politiques locaux, effrayés par la perspective nucléaire. D'autant qu'ils n'avaient cessé de protester à chaque fois qu'Américains et Anglais avaient procédé à des essais dans le Pacifique. Naturellement, quand le général a annoncé officiellement le transfert des sites d'essais, les gaullistes locaux se sont inclinés au nom du patriotisme. Mais il y avait les autres. Ouais, les autonomistes du parti de Bouvenat. Le RDPT. Mais l'exil forcé et l'emprisonnement de son leader avaient considérablement affaibli ce parti. Ça n'a pourtant pas empêché son député, Jean-Baptiste Serrant-Jérusalemi, de déposer une question préalable sur le bureau de l'Assemblée territoriale. Une initiative d'ailleurs suggérée par Pouvanat depuis sa prison française. Et le sens de cette question ? Ce député voulait que l'Assemblée se prononce pour l'interdiction de l'implantation du CEP sur le territoire polynésien. Mais il n'a reçu aucun soutien auprès de ses collègues. Pas très étonnant. Lors de la séance prévue pour débattre du sujet, le gouverneur Grimaldi a menacé de dissoudre l'Assemblée si la question préalable était soumise à l'ordre du jour. Et les députés, dont certains étaient très endettés, ont eu peur de perdre leurs indemnités. Ils ont donc cédé. Monsieur X a parlé de désinformation scientifique. On ne peut en douter lorsqu'on prend connaissance des propos tenus par le professeur Jamais devant les élus polynésiens. Exemple, relevé en 2006 par la commission d'enquête sur les conséquences des essais nucléaires créés par l'Assemblée territoriale. Comme le poisson constitue l'un des éléments essentiels de l'alimentation des Polynésiens, Le professeur Jamais tint à rassurer son monde. Il n'y a pas à craindre une contamination par les poissons migrateurs, car les expériences se feront là où elles sont intéressantes pour les stratèges, dans la haute atmosphère. Les retombées ne pénètrent pas en profondeur et ne peuvent contaminer que les poissons en surface. Il est vrai que certains tonidés s'y trouvent parfois, mais leur ingestion n'est pas dangereuse. Quelques années avant les explosions nucléaires de Moruroa, la conclusion du professeur Jamais étonne par son cynisme. Le réseau d'observation et de protection qui existait déjà à l'état embryonnaire va donc être développé en Polynésie grâce à l'aide de la métropole. Ne devons-nous pas en tirer un enseignement ? Seul le fait d'appartenir à une grande nation permet à ses membres, dans un cas semblable, d'être protégés, alors qu'un petit pays indépendant, livré à ses seules forces et à ses maigres ressources, n'a alors à attendre que la protection illusoire d'une ONU dont la bonne volonté est fréquente, mais dont on a vu maintes fois les mésaventures et les déboires. Au reste, il faut bien reconnaître que les membres de cette assemblée territoriale n'ont guère brillé par leur courage. Certes, à l'occasion d'une autre séance, ils ont exprimé leur émotion au sujet des futurs essais nucléaires, mais estimant que le territoire allait rendre un service à la nation, ils ont demandé à l'unanimité que Paris consente un effort d'investissement public d'une particulière ampleur. Bref, ils voulaient de l'argent. De l'argent et des emplois. Et même si je n'en ai pas la preuve, je suis à peu près persuadé que certains élus ont été corrompus, ce qui a aussi permis aux autorités de diviser les opposants au CEP. Ouais, diviser pour mieux régner. Et lorsque fin 1963, certains de ces opposants ont osé associer à leur hostilité au CEP une revendication indépendantiste, le gouverneur a saisi son gros bâton et dissout purement et simplement le RDPT, un parti accusé de porter atteinte à l'intégrité du territoire national. La question foncière, là, j'y reviens, mais même si les autorités avaient pris des devants, n'était toujours pas réglée. C'est vrai. Le gouverneur a confié sa résolution à la commission permanente de l'Assemblée territoriale sous le prétexte que cette question relevait du domaine de la défense nationale et donc exclusivement de Paris. Et ici encore, on va assister à un fait très étonnant. Fin 1963, le président de cette commission, Jacques de Nidrolet, se rend en métropole. Qui est cet homme? C'est un ancien du parti de Pouvanard, mais il est plutôt marginalisé. En tout cas, s'il fait le voyage, c'est qu'il est convoqué par Jacques Foccart. Cependant, il est à peine arrivé dans le bureau de l'éminence grise du général qu'il est introduit secrètement dans une autre pièce. Et là, soudain, il se trouve en face de De Gaulle. Et que se passe-t-il? D'après le récit qu'il a fait de cette rencontre, le général lui a fait comprendre, non sans une certaine rudesse, que si des oppositions au CEP continuaient à se manifester, et si le transfert des deux atolls n'était pas accepté, il était prêt à décréter la Polynésie française territoire stratégique militaire. Et par conséquent, elle serait dotée d'un gouvernement militaire. La menace était sérieuse. Oui, parce que ça signifiait aussi que tous les acquis démocratiques conquis jusque-là seraient remis en cause. Bon, la suite, vous la devinez. Ouais, le chantage a fonctionné. Et finalement, malgré un débat assez vif au sein des autonomistes, la commission permanente a décidé d'octroyer un bail gratuit à la métropole, c'est-à-dire en réalité la cession des atolls de Moruroa et Fangatofa. Et en même temps, il faut le souligner, on observe un curieux climat sur le territoire. Que voulez-vous dire là? On se méfie. On hésite à parler ouvertement de la prochaine installation du CEP. Et pourquoi? Pour quelle raison? Les Polynésiens ont l'impression d'être de plus en plus surveillés. C'est seulement une impression? Non, on le sait maintenant, car c'est resté longtemps un sujet tabou, mais Paris a mis en place là-bas un véritable réseau de surveillance. Un mystérieux bureau d'études, son appellation officielle, a regroupé les fonctionnaires des services de police et de renseignements civils et militaires et coordonné leur travail. Et avec quel objectif alors? Faire en sorte que rien ni personne ne vienne perturber les travaux de construction du CEP, puis à partir de 1966, les essais eux-mêmes. D'où alors la méfiance des Tahitiens qui se sentaient exagérément surveillés. Avec raison. Et la presse aussi est étroitement contrôlée. La presse locale, bien sûr, mais aussi les journalistes trop curieux qui viennent de métropole, par exemple. En outre, il y a la hantise de l'espionnage étranger. Ouais, qui viendrait surprendre nos secrets nucléaires. Et derrière, il y a certainement une réalité. Les anglo-saxons en particulier voudraient bien savoir comment la France se débrouille pour édifier sa force de frappe. Enfin, passons, cette bonne guerre entre alliés, même si de Gaulle apprécie peu, surtout depuis qu'il a pris ses distances avec l'OTAN. Est-ce que cette chape de plomb a réussi à faire taire toutes les oppositions ? Pas tout à fait. En septembre 1966, je crois vous l'avoir dit, le général de Gaulle vient en personne assister à un tir atomique. Les essais ont déjà commencé. Oui, en juillet. Mais j'y reviens tout de suite. Naturellement, au cours de son voyage, de Gaulle rencontre les élus et s'adresse à la population. Dans un style éminemment gaullien, il remercie la Polynésie française pour le service qu'elle rend à la France tout entière. Oui, en ayant accepté de servir de laboratoire nucléaire. C'est ça. Enfin, pour le général, c'est une œuvre de paix. Oui, la paix par la dissuasion nucléaire. Oui, et l'affirmation de la grandeur française. Alors, surprise, un député de l'ex-RDPT, John Tehariki, lui répond assez courageusement. Que dit-il alors ? Je résume. Il affirme d'abord que le comité scientifique de l'ONU a mis en évidence les dangers des radiations contre lesquelles il n'existe aucun moyen de protection efficace. Or, dans le Pacifique, où les Américains et les Britanniques ont procédé à plusieurs tirs atmosphériques, la plus petite augmentation de radiation peut être nocive pour l'homme et sa descendance. Et le député de souligner que les grandes puissances ont toujours fait supporter à d'autres, des petits peuples sans défense, les conséquences de ces essais. Mais ce qui n'est pas faux. En effet, Tehariki cite les habitants des îles Marshall, où les Américains ont testé leurs bombes, ou les Polynésiens des îles équatoriales proches de Christmas, qui ont subi les retombées des essais britanniques, ou encore les peuplades du Grand Nord, russes. Oui, ça, c'est des bombes soviétiques. Et même les populations sahariennes, là où la France a tiré ses premières bombes. Eh bien, le propos est rigoureux. Mais le député n'en a pas encore fini. Et il se réfère au fameux discours que vient de prononcer le général à Phnom Penh. Un grand discours très anti-américain. Et même tiers-mondiste. Devant une foule immense, de Gaulle a pris la défense d'un peuple écrasé sous les bombes et les obus de ses prétendus libérateurs. C'est-à-dire les Américains au Vietnam. Alors le député conclut à peu près ainsi. Puissiez-vous, monsieur le président, appliquer en Polynésie les excellents principes que vous recommandiez à Phnom Penh, à nos amis américains, et rembarquer vos troupes, vos bombes et vos avions. Ainsi, plus tard, nos leucémiques et nos cancéreux ne pourraient pas vous accuser d'être l'auteur de leur mal. Mais c'est rude, hein, mais le général a été rarement mis en cause avec une telle violence. Et alors, comment a-t-il réagi ? Il n'a rien dit. Il a pris les feuilles du discours que lui a tendu le député et les a mis dans sa poche d'uniforme. Et c'est tout ? Oui. Donc on ne sait pas ce qu'il en a pensé. Franchement, il m'étonnerait que le général ait été ébranlé. En tout cas, dès le lendemain, les élus gaullistes ont tenté de rectifier le tir, si je puis dire. Et parmi eux, un jeune maire qui allait faire parler de lui un peu plus tard, Gaston Flosse. Alors, ce discours de Tehariki, c'était une sorte de baroud d'honneur, car désormais, les élus ne mettront plus en cause le CEP. Parce que Paris a trouvé l'arme absolue pour les faire taire. Quoi ? L'argent. Une véritable pluie de francs qui va s'abattre sur la Polynésie et les faire oublier les dangers que les tirs nucléaires font courir aux habitants. Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. L'historien Jean-Marc Regnault est le meilleur spécialiste de l'histoire de la Polynésie française. Dans un article de 1997, paru dans la revue 20e siècle, il analyse les effets économiques de l'installation du CEP. L'économie de la Polynésie a souvent bénéficié d'à-coups qui ont permis l'édification de fortunes et l'apparition de nouveaux comportements. Le CEP n'est que l'une de ces mannes qui se déversent périodiquement, même si son ampleur et sa durée sont sans commune mesure avec les autres. De plus, le CEP a dispensé l'administration, les élus et la population d'avoir l'imagination et le courage nécessaires au remplacement des activités en déclin. Une overdose de rente atomique comparable, selon un expert, aux effets produits ailleurs par la rente pétrolière ou phosphatière. Il dénonce ces effets pervers, une croissance sans développement, anesthésiant l'activité productive, une bureaucratie pléthorique et surpayée, une spéculation foncière effrénée, des prix irréalistes sur le marché intérieur, une surévaluation de la monnaie, une sous-productivité et une sous-compétitivité internationale qui handicapent toute exportation. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que le mensonge a prévalu tout au long de la campagne de tirs nucléaires effectuée en Polynésie française. Et ça commence dès l'explosion de la première bombe, en juillet 1966, sur l'atoll de Mauruhoa. Si l'essai est réussi, ses conséquences le sont beaucoup moins. Que s'est-il passé? Les observateurs présents sur l'atoll envoient des informations inquiétantes au patron des opérations, le vice-amiral Lorrain, qui se trouve sur le croiseur de Grasse. Et qu'ont-ils constaté alors? Le nuage radioactif est plus dense que prévu et monte moins haut. C'est grave parce que les vents de basse couche, comme disent les météorologistes, l'entraînent vers Mangareva, une île habitée. Et il va donc y avoir une contamination. Forcément, ce que ne tarde pas à confirmer le responsable de la sécurité sur cette île. Mais alors, que faire? C'est ce que demande ce militaire au PC. Mais la réponse est lapidaire. Ne faites rien et surtout abstenez-vous d'informer la population. On contamine, mais on ne le crie pas sur les toits. C'est exactement ça. Seule mesure prise par le vice-amiral, un bâtiment scientifique est envoyé sur zone pour évaluer les dégâts. À bord se trouve un médecin. C'est lui qui va rédiger le rapport. Un document classé secret qui ne sera divulgué qu'en 1998 par votre excellent confrère Vincent Jauvert. Mais qu'a-t-il dans ce rapport? Les prélèvements effectués en mer et au sol indiquent une forte radioactivité sur les légumes non lavés. Elle équivaut à peu près à ce qu'on constatera plus tard autour de la centrale de Tchernobyl après l'explosion. Oui, c'est-à-dire danger. Hein. Et que préconise ce médecin? Constatant que la population ne manifeste aucune émotion et n'a même aucune idée de ce que peut être une retombée radioactive, ce praticien recommande non seulement de garder le silence, mais aussi d'éloigner ceux qui se montreraient trop curieux. Par exemple, ce couple d'instituteurs métropolitains susceptibles d'alarmer la population. C'est parfaitement cynique. Ça, je ne vous le fais pas dire. Et au lieu de recommander l'évacuation des habitants, surtout des enfants, qui jouent pieds nus sur un sol contaminé, il conseille de construire des abris. En vue des futurs essais. Oui, car il sait qu'en septembre et octobre, les tirs seront encore plus puissants. Donc, pour résumer, aucune mesure sérieuse n'est prise. C'est la pure vérité. Or, ça ne va pas s'arranger. Fin septembre, une bombe de 250 kilotonnes est tirée. C'est 20 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Une forte pluie contaminée s'abat sur Mangareva, mais aussi sur l'île de Tureia, qui est proche de Mauruhoa. Selon les spécialistes de l'armée, on ne devrait y circuler qu'équipé de combinaisons de protection. Encore une fois, les populations sont tenues dans l'ignorance la plus totale. La continuité, au fond. Exception à, quand même, lors de la première expérimentation atmosphérique de la bombe thermonucléaire. La bombe H. Oui, à cette occasion, en 1968, tous les habitants de Tureia ont été invités à passer quelques jours de vacances à Papeete. Mais attention, on ne leur a pas dit que c'était à cause des retombées, non. On a prétendu qu'il s'agissait de participer aux fêtes traditionnelles de juillet. Oui, encore une tromperie. Une de plus, oui. L'autre tromperie, qui est tout à fait fondamentale, c'est que les milliers de travailleurs ou de soldats qui ont été associés à divers titres à ces expérimentations nucléaires n'ont pas été mieux traités que les autochtones. La plupart ont été tenus dans l'ignorance des dangers qu'ils couraient en séjournant sur des atolls contaminés. Vous avez certainement vu ces images de militaires nageant dans les lagons et profitant du soleil sur les plages. Ouais, des images qui participaient de la propagande des autorités. Qui prétendaient qu'il n'y avait aucun inconvénient à se baigner dans ces eaux, alors qu'on savait pertinemment qu'elles étaient contaminées. Et ne parlons pas du poisson que ces expatriés consommaient, tout comme les autochtones. Est-ce que la décision de procéder ensuite à des explorations souterraines a diminué le danger? À partir de 1974, oui, et après 46 tirs atmosphériques, la contamination aérienne et au niveau du sol a été certainement diminuée. Mais dans les eaux, non. D'autant que quelques-uns de ces tirs ne se sont pas très bien passés. Des fuites d'éléments radioactifs. Oui. Est-ce qu'on a une idée des conséquences sanitaires? Pendant les 20 premières années, non. Les autorités n'ont jamais comptabilisé les morts par cancer ou leucémie avant 1984. Donc on ne sait pas. Ben, il serait étonnant que ces fortes doses de radioactivité n'aient pas provoqué de maladies graves. Cependant, à l'époque, on n'a établi aucune corrélation entre ces morts et la contamination. Mais donc, est-ce que ça va changer en 1984 ? On a commencé à noter sur un registre les cancers. Mais aucune étude officielle n'a été entreprise. En 1992, vous le savez, François Mitterrand décide un moratoire sur les expérimentations en Polynésie. Toutefois, dès son élection en 1995, Jacques Chirac ordonnera leur reprise. Ce qui provoquera une vague de protestations. Dans le monde entier. Ouais. Et surtout chez les voisins néo-zélandais et australiens, les premiers concernés. Tandis que cette reprise provoque des émeutes à Tahiti. Mais en 1996, Chirac, à son tour, met fin à ses essais. Au total, il y aura eu 147 tirs souterrains. Cet arrêt définitif et le démantèlement progressif des installations du CEP suscitent une vive inquiétude chez les notables et les élus qui dirigent la Polynésie. Ah bah oui, c'est parce que c'est la fin de la manne financière. Voilà. Alors, aussitôt, Gaston Floss, le patron politique de l'archipel, monte au créneau et il réclame des compensations. Ouais, ce que va bien sûr lui accorder son grand ami Chirac. Le gouvernement s'engage en effet à maintenir pendant au moins 10 ans les flux financiers destinés à la Polynésie au niveau où ils existaient pendant les années du fonctionnement du CEP, soit la bagatelle de 150 millions d'euros annuels, une somme qui sera pérennisée sous la forme d'une dotation en 2003. Alors, venons-en maintenant au point aujourd'hui essentiel. Ouais, c'est-à-dire les réparations dues à tous ceux qui ont été exposés. Et donc contaminés. On estime que cette question concerne 150 000 civils et militaires, auxquels, bien entendu, il faut ajouter les populations autochtones. Ouais, ça fait du monde, hein. Et comme en ce domaine, l'armée n'a jamais mieux mérité son nom de grande muette, ce sont des militants qui ont commencé à secouer le cocotier et à faire prendre conscience à l'opinion publique française des vraies conséquences des essais nucléaires. Et c'est d'abord un ancien prêtre, Bruno Barrio, qui a mené le combat pour les sacrifiés de l'arme nucléaire. En 1996, il publie un livre, le premier travail exhaustif sur les essais et leurs conséquences. Mais si je me souviens bien, c'est un livre qui fait du bruit. Oui, oui. Barrio reçoit alors des centaines de lettres de vétérans ou de familles de vétérans qui font état de leur maladie en rapport avec leur exposition aux retombées radioactives, tant au Sahara qu'en Polynésie. Puis c'est l'enquête en février 1998 de Vincent Jauvert. Il s'est rendu tout bonnement au fort de Vincennes, où sont entreposées les archives de l'armée, et en particulier celles de la DIRSEN, la Direction des Centres d'Expérimentation Nucléaire. C'est dans ces documents qu'il a découvert des preuves troublantes de la contamination des populations polynésiennes. Ouais. Ce qui signifie que l'armée, même si elle ne fournissait aucune information, n'ignorait rien des dangers qu'elle faisait courir à ses habitants. Évidemment. Mais je dois dire qu'après le passage de Jauvert à Vincennes, les archives ont été prestement interdites de consultation sur ordre du ministre de la Défense, Alain Richard. Toutefois, il était trop tard pour refermer le couvercle. D'autant qu'en Polynésie, l'enquête de Jauvert a fait sensation et a permis aux malades de se regrouper. Conséquence, fin 2004, une instruction judiciaire est ouverte sur les retombées nucléaires en Polynésie française. C'est une première, ça. Oui, Bruno Barrio, encore lui, associé à Patrice Bouvray, révèle des documents secrets datant de 1966 sur la gestion par les militaires français des premiers essais atomiques dans le Pacifique. Et notamment, les mensonges proférés au sujet de la contamination de l'atoll de Mangareva et de demander la divulgation de tous les documents tenus jusqu'à présent secrets sur le sujet. En vain, j'imagine. Ensuite, ce sont les Polynésiens eux-mêmes qui prennent leur sort en main. L'Assemblée crée une commission d'enquête. Ses conclusions sont dévastatrices. La thèse de l'innocuité des essais vole en éclats. L'ignorance dans laquelle on a laissé les populations est flagrante. La fréquence dans l'archipel des cancers, de la thyroïde et des leucémies est mise en évidence. Et aussi les connivences des élus tels que Gaston Floss. Bref, 40 ans de mensonges. Tant et si bien qu'en octobre 2006, l'État français doit reconnaître officiellement les retombées des essais nucléaires sur les civils polynésiens. Et ça, c'est une première victoire. Certes, mais les archives restent totalement incommunicables sur tout ce qui concerne le nucléaire. Mais il y aura ensuite le vote d'une loi, non ? En juin 2010, oui, la loi Morin sur l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français en Algérie, en Polynésie française. Et en même temps, on crée un comité d'indemnisation, le CIVEN, un comité d'experts. Mais il faut malheureusement constater que ce CIVEN ne retient qu'un nombre très faible de victimes. C'est comme pour le médiateur, quoi. Alors pourquoi ces réticences? Il ne fait nul doute que le lobby militaro-nucléaire a exercé des pressions. Pour ces gens-là, le ministre est même allé trop loin. Un haut gradé militaire a déclaré, non sans mépris, « Tous les Pékins du Sahara et de la Polynésie vont réclamer de l'argent ». Alors les associations ont profité de la dernière campagne électorale pour demander au candidat Hollande de modifier la loi Morin afin de faciliter les indemnisations. Mais leur espoir a été déçu. Pourquoi, hein ? Le ministre de la Défense, Le Drian, a annoncé que la loi Morin était une bonne loi. Et il a donné des chiffres. Sur près de 800 dossiers reçus par le CIVEN, la moitié ont été examinés. Oui, mais problème. La plupart des demandes ont été retoquées. Seules 9 indemnisations ont été acceptées. Ouais, ce qui a provoqué des protestations des associations de victimes. Bien évidemment. Et pour elles, l'explication est très simple. Les experts du CIVEN s'en remettent à la décision de scientifiques qui jugent depuis toujours que les effets des radiations sont négligeables. Toujours ce lobby alors que vous évoquiez. Ah mais il y a encore plus grave. Aucun dossier de victime polynésienne n'a été retenu. Alors que la loi Morin concerne aussi bien les victimes civiles, essentiellement tahitiennes, que militaires. Il s'agit donc d'une discrimination pour ne pas parler de racisme. Oui, oui, car à ces populations disséminées sur toutes les îles, on demande de fournir des documents qu'ils sont incapables de réunir. Seule lueur d'espoir pour tous ces gens. La commission de la Défense nationale vient récemment de rendre un avis favorable à la levée du secret défense sur les essais nucléaires. Peut-être, enfin, un premier pas sur le chemin de la vérité. Un livre très démonstratif pour terminer, Les cobayes de l'apocalypse nucléaire de Jean-Philippe Desbordes. Je rappelle aussi les travaux de Jean-Marc Regnault, le rapport de la commission d'enquête sur les conséquences des essais nucléaires en Polynésie française, ainsi que l'existence des sites de l'Observatoire des armements dirigé par Barillot et Bouvray et des associations regroupant des victimes des essais. Vous en trouverez les références sur franceinter.fr. À samedi prochain, Rebecca de Nantes a préparé cette émission qui a été réalisée par Michel Biou et mise en musique par Monsieur Djoub. Et tout de suite, après le flash, c'est au de mon amour de Denis Chessou.